Chapitre 9e. 10 ans s'étaient passés. Les victorieux désastres de 1814 couvraient la France de soldats. Enveloppé par l'Europe entière, l'empereur finissait comme il avait commencé et retrouvait en vain, au terme de sa carrière, les inspirations des campagnes d'Italie. Les divisions russes, en marche sur Paris par les rives de la Seine, venaient d'être mises en déroute au combat de Nangis où 10 000 étrangers avaient succombé. Un officier, gravement blessé, avait quitté le corps d'armée commandé par le général Gérard et gagnait par étampes la route de la Beauce. Il pouvait à peine se tenir à cheval. Épuisé de fatigue, il frappa un soir à la porte d'une ferme de belle apparence où il demanda un gîte pour la nuit. Après lui avoir donné un bon souper, le fermier, qui n'avait pas plus de 25 ans, lui amena sa femme, jeune et jolie campagnarde à peu près du même âge et déjà mère de 5 enfants. En la voyant entrer, l'officier ne put retenir un cri de surprise et la belle fermière le salua d'un sourire. « Ne me trompais-je pas ? » dit l'officier. « N'avez-vous pas été demoiselle de compagnie auprès de Madame de Radour et ne vous appelez-vous pas Marguerite ?»« À votre service, » répondit la fermière. « Et c'est au colonel le comte Gaston de Lanville que j'ai l'honneur de parler, si j'ai bonne mémoire. Voici Pierre Blanchard, mon mari, à qui je dois d'être encore au monde. » « Embrassez mes enfants, monsieur le comte, c'est tout ce qui reste d'une famille qui a longtemps et fidèlement servi la vôtre. »« Est-ce possible ? » répondit l'officier. « Que sont donc devenus vos frères ?»« Ils sont restés à Champaubert et à Montmirail, » dit la fermière d'une voix émue, « et depuis 6 ans, notre père les attendait. »« Et moi aussi, » poursuivit l'officier, « j'ai perdu ma mère et, par cette seule mort, j'ai perdu autant que vous. » À ces mots, il essuya une larme. « Allons, Pierrot, » ajouta-t-il gaiement en s'adressant au mari en lui tendant son verre. « Buvons à la mémoire des morts, mon ami, et à la santé de tes enfants. Il y a de rudes moments dans la vie. Le tout est de savoir les passer. » Le lendemain, en quittant la ferme, l'officier remercia ses hôtes et au moment de remonter à cheval, il ne put s'empêcher de dire à la fermière « Et vos amours d'autrefois, Margot, vous en souvient-il ? » « Ma foi, monsieur le comte, » répondit Margot, « ils sont restés dans la rivière. » « Et avec la permission de monsieur, » ajouta Pierrot, « je n'irai pas les y repêcher. » Ainsi s'achève Margot d'Alfred de Musset.